Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercient de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. Grosse nouvelle, évidemment, hier, ça a sorti dans le Journal de Québec, édition Saguenay-Lac-Saint-Jean, le commissaire de la Ligue de hockey junior du Québec, Gilles Courteau, a mentionné qu'il verrait d'un bon œil l'arrivée d'un nouvel amphithéâtre à Ville-Saguenay pour remplacer le centre Georges Vézina. Question de savoir un peu où ce qu'il voulait en venir. On a entendu parler beaucoup de gens depuis la sortie de M. Courteau. Ben, on l'enligne. Bonjour, M. Courteau. Bonjour. Monsieur Courteau, est-ce que c'était vraiment quelque chose de planifié, votre sortie? C'était quelque chose pour faire réagir? Parce que, mettons que depuis hier, depuis votre sortie dans le Journal de Québec, c'est pas mal de talk of the town là, au Saguenay. Il n'y avait rien de planifié du tout. C'était une question qu'un journaliste me posait pendant une entrevue sur plusieurs sujets, l'effet de ce que je pensais de l'état du centre Georges Vézina à Saguenay. OK. Dites-moi, est-ce que, évidemment, ça a fait parler pas mal, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment la solution, c'est vraiment quelque chose qui doit, ça doit passer par là, ou bien c'est les rénovations que vous voyez, ça ferait quand même la job, comme on pourrait dire? Dans la situation, avant de commenter. Pour moi, quand j'ai parlé d'avoir un amphithéâtre neuf à Saguenay pour l'équipe des Saguenayens, c'est bien entendu que je pense sur quelque chose à long terme pour le bénéfice des amateurs, pour le bénéfice de l'équipe comme telle et de s'assurer qu'ils vont être en mesure d'opérer à Saguenay pendant plusieurs années. OK. Dites-moi si on parlait un peu aussi de la suite des choses. Ça prend comment? C'est un minimum, c'est 3500 personnes vraiment pour qu'on soit conforme à ce que la Ligue de hockey junior du Québec désire? Oui, ça prend ça pour être conforme avec les exigences de la Ligue. C'est une situation qui va faire en sorte à ce qu'on puisse être capable d'opérer. C'est quelque chose que ça fait plusieurs années qu'on n'a pas revisité au niveau de la capacité assise. Il n'est pas dit qu'on regardera pas ce dossier-là dans un avenir rapproché, mais au moment où on se parle, c'est effectivement ça, 3500 places assises. Est-ce que Shawinigan, vous avez montré beaucoup l'exemple de Shawinigan hein, comme la nouvelle amphithéâtre. C'est un peu ça que vous visez un peu, là. Exactement. C'est, quand je regarde l'exemple de Shawinigan, comment est-ce que cette équipe-là opérait lorsqu'ils étaient à l'aréna Jacques Plante et le travail extraordinaire qu'ils font depuis qu'ils sont dans le nouvel amphithéâtre à Shawinigan. L'amphithéâtre à ce niveau-là, c'est un changement, c'est un virage à 360 degrés qui s'est effectué, tout comme ça va être une situation similaire à Gatineau lorsque l'équipe pour opérer dans sa nouvelle aréna. OK. Évidemment, ça fait 70 ans. Là. C'est la plus vieille amphithéâtre de la Ligue de hockey junior du Québec. C'est pas l'idéal non plus. Tu sais, c'est toujours de remettre du neuf dans du... mettre de l'argent dans du vieux. Là. Ça va être à recommencer dans 20 ans aussi. Là. C'est ça, exactement. C'est des choses qu'il faut qu'on prenne en considération quand vient le temps de regarder la situation pour s'assurer qu'on va être capable de continuer à opérer au niveau de l'équipe de la Ligue junior majeure du Québec. OK. M. Courteau, en terminant, les hausses d'assistance, on doit être content du côté de la Ligue de hockey junior du Québec? Oui, on a un très bon début de saison. Il y a un travail extraordinaire qui s'est effectué par nos organisations. En plus de présenter un spectacle de qualité quand même assez important, qui est grandement apprécié de nos amateurs, on regarde le classement, comment est-ce que c'est serré au niveau du classement de la Ligue junior majeure du Québec. Dans les équipes. Donc, match après match, soir après soir, c'est toujours très intéressant. N'importe qui peut remporter la victoire contre n'importe quelle équipe. Donc, c'est un classement très serré. C'est une très bonne première moitié de saison que l'on a jusqu'à maintenant. On est très content Et on apprécie grandement de voir nos amateurs se présenter dans nos amphithéâtres en grand nombre. Petite dernière, trois joueurs seulement invités au camp d'entraînement d'équipe Canada Junior. Est-ce qu'on est déçu? Bien, on est déçu. C'est certain qu'on veut toujours en avoir davantage. De ces trois joueurs-là, on aurait pu en ajouter deux autres qui sont dans la Ligue nationale, en Pierre-Luc Dubois et Samuel Girard. On aurait fait cinq joueurs invités. C'est difficile pour nous, au niveau de la Ligue, quand on n'est pas dans la même situation que les dirigeants de l'équipe nationale junior qui ont l'opportunité de voir les joueurs partout en Amérique du Nord qui évoluent non seulement au niveau de la Ligue canadienne, dans les collèges américains, comme vous avez vu, pour déterminer quels sont les joueurs qui peuvent être invités. Ben, merci beaucoup, M. Courteau, puis au plaisir de se reparler. Bienvenue, on me fait plaisir. Le commissaire de la Ligue de hockey junior du Québec, Gilles Courteau.